Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Corse antique, Corse étrusque. Ce qui est pratique avec l'histoire et la géographie, c'est qu'elle nous offre du vocabulaire au moment de jouer aux jeux de société, par exemple au Scrabble. Tenez, pour changer du yen, du yak et du yoga, il est possible de placer le Y avec le mot hypogée. Bon, de là à savoir qu'il s'agit d'une construction creusée sous la surface du sol, sous la terre en grec, c'est autre chose. De là à imaginer aussi qu'il est possible d'y placer une tombe quelque part, peu importe. Quant à connaître le genre de ce mot, un ou une hypogée, comme ce qui a été découvert à Aléria, étrusque, bon bah là, ça se corse. Muette depuis 2500 ans, la civilisation étrusque va-t-elle enfin parler ? Pour réhabiliter l'Étrurie et mettre fin au mystère des Étrusques. Les Étrusques représentent l'aspect le plus saisissant, le plus évolué de la civilisation. Des monuments étrusques, nous savons peu de choses. Seuls, ils semblent prendre des assises en Corse, puisqu'ils fondent une colonie importante, la Victorieuse. Jean-Paul Tullier, bonjour. Bonjour. Quand on a dit les Étrusques, est-ce qu'on a dit quelque chose de précis ? Est-ce que c'est pas un mot qui englobe beaucoup de choses ? Qui sont ces Étrusques ? On l'a entendu dans les archives, souvent, le mot mystère apparaît. Oui, il a été très souvent employé. Je l'ai même employé aussi, mais suivi d'un point d'interrogation dans un livre que j'ai fait dans la collection Découverte Gallimard il y a déjà un certain nombre d'années. Alors, si on connaît quand même beaucoup de choses sur les Étrusques, si on veut résumer les choses très rapidement, de façon succincte, eh bien, moi je dirais par exemple que la civilisation étrusque, c'est la première qui ait connu l'Italie pendant une grande partie du premier millénaire avant notre ère. Alors, si on arrive un peu à la géographie à laquelle vous avez fait allusion, et ce sera important pour notre sujet, évidemment, le cœur de l'Étrurie, autrement dit la Toscane et une partie du Latium septentrional, c'est la région qui est comprise entre le fleuve Arno au nord, celui qui passe à Pise et à Florence, et le Tibre à l'est et au sud. Et à l'ouest, évidemment, la mer Tyrrhénienne. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que nous l'appelons la mer Tyrrhénienne, ce qui veut dire la mer étrusque, d'après l'adjectif grec « tyrrhénos », qui voulait dire étrusque. Et quand on pense que de l'autre côté de la botte italienne, c'était l'Adriatique, et que l'Adriatique vient le nom vient d'un port Adria, qui était un port étrusque, un peu au nord du delta du Pô, eh bien on voit tout de suite le rôle que les mers ont joué pour les Étrusques et le rôle que les Étrusques ont joué sur les mers. Donc on arrive à notre sujet progressivement, à tel point que des auteurs anciens ont parlé, alors voilà encore un mot peut-être compliqué mais important, de thalassocratie, c'est-à-dire de domination par la mer et sur la mer pour les Étrusques, pour d'autres peuples aussi d'ailleurs. Il ne faudrait pas imaginer un empire étrusque, ce n'est pas une entité avec un dirigeant dans une capitale, c'est un tout autre monde. Voilà, il ne faut surtout pas faire la comparaison avec l'Empire romain, c'est-à-dire avec un pouvoir centralisé, homogène. Il faut faire la comparaison avec la Grèce antique, tout simplement. C'est-à-dire que les Étrusques avaient un ensemble de cités-États, avec une ville et un territoire tout autour. Comme il y avait la cité d'Athènes, la cité de Sparte, la cité d'Argos, de Corinthe, etc. Bien, il y avait un nombre considérable de cités dans la Grèce antique. Ce qui est particulier aux Étrusques et qui a beaucoup marqué les esprits déjà dans l'Antiquité, c'est le fait que c'était une dodécapole. Alors voilà encore un mot, mais en fait très simple, c'est-à-dire un ensemble de 12 cités. Et il y avait une ligue étrusque des 12 cités, une ligue étrusque de la dodécapole, qui en réalité n'a jamais eu une très grande importance sur le plan politique ou militaire, qui a eu surtout une importance sur le plan religieux autour du sanctuaire principal de cette ligue étrusque qui devait se trouver au pied de l'actuel Orvieto et qu'on est sans doute en train de mettre au jour. C'est ça qui fait briller nos yeux là, parce qu'on sent que l'archéologie permet de mieux en mieux connaître cet espace-là. Et nous nous intéressons spécifiquement aujourd'hui à la Corse. Avec nous, Federica Sacchetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes étruscologue, tout comme Jean-Paul Tullier, c'est bien d'avoir deux étruscologues pour commencer une émission sur la Corse étrusque. Mais il faut quand même le dire, avant les étrusques, il y avait des gens en Corse. Qui avait-il? Il y a une population qu'on arrive à identifier sur les temps lointains, bien avant l'arrivée des Étrusques? Oui, bien sûr, il y a une population indigène qui est bien connue dès les néolithiques anciens et qui se caractérise particulièrement durant l'âge du bronze, donc durant la période qui précède l'arrivée des Étrusques. Et qui a des traits culturels en commun un peu avec les voisins du nord de la Sardaigne, donc les voisins de la culture nuragique. Et donc bien sûr, cette population indigène est présente tout au long de l'histoire corse, même après l'arrivée des Étrusques, qui, pour nos connaissances actuelles, en fait, se situe de manière très ponctuelle pour le moment sur la côte orientale, donc sur la plaine orientale corse, et notamment au centre de la plaine orientale corse, même si les recherches sont un peu à leur début, on peut dire, de certains points de vue. Et donc, il n'est pas exclu que des surprises puissent arriver dans les années, dans les décennies qui viendront. Avec nous aujourd'hui également Laurent Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, avec un peu de géographie, on l'a évoqué en parlant des mers, la mer Tyrrhénienne entre la Corse et l'Italie. C'est pas loin en fait. Faut le rappeler, nous sommes dans l'Antiquité, mais avec des populations qui connaissent la mer et qui savent naviguer. Oui, effectivement, les chercheurs, les archéologues corses ont mis en évidence toutes les traits culturels depuis le néolithique que l'on retrouve, que ce soit en Sardaigne ou plutôt sur la partie italienne. Oui, c'est ça, parce qu'on est sur un monde portuaire. D'ailleurs, Federica Sacchetti, il faut le rappeler sans cesse, nous imaginons des mondes anciens où les gens ne se déplacent pas. Pour le monde de l'Antiquité, on se déplace beaucoup par mer. La mer, c'est peut-être très dangereux, mais c'est aussi assez sûr. On risque pas de croiser des loups et des brigands. Oui, et ce qu'il faut considérer aussi par rapport à la Corse, c'est sa position centrale au sein de la mer Tyrrhénienne. Et donc cette mer qui, comme Monsieur Tuyer a justement rappelé, est la mer des Étrusques, d'après l'étymologie, autant que la mer Adriatique. Les sources, les textes littéraires nous rappellent que la visibilité de la Corse depuis l'acropole de Populogne, donc depuis une cité étrusque qui se trouve au nord de la Toscane. Donc il y avait une co-visibilité entre les côtes de la péninsule italienne et la Corse qui a sûrement fait que dès une époque très très ancienne, il doit y avoir eu une forme de fréquentation au moins des côtes d'un côté comme de l'autre côté. Jean-Paul Tullier, il faut toujours se méfier de l'effet loupe, de faire de son sujet d'étude l'objet principal. Est-ce que c'est aller trop loin de dire que la Corse est un carrefour de la Méditerranée dans l'Antiquité ? Ah non, sûrement pas. La place de la Corse est déjà révélatrice. La Corse est à 80 km de la côte toscane. Et puis surtout, il y a entre les deux l'île d'Elbe, il y a l'archipel toscan. Donc c'est une navigation qui est facile et qui rend les contacts entre les Étrusques, entre autres, et la Corse pratiquement inévitables, je dirais, évidents en tout cas. Et par ailleurs, la Corse, la côte orientale de Corse en particulier, constitue une étape importante pour des trafics maritimes venant du sud, venant par exemple de la région de Rome ou de Cerveteri, dont on va évidemment reparler, pour aller jusque vers la Ligurie, vers la Provence, vers le Languedoc, où nous savons très bien que par exemple les Étrusques, entre autres, mais pas seulement eux une fois de plus, se sont installés d'une façon ou d'une autre. Les Étrusques ne sont pas les seuls à naviguer. Les Grecs se sont installés simplement sur les rivages. Les Étrusques, peuple de marins, ont été aussi un peuple de colonisateurs et ont préfiguré un peu la conquête romaine dans la mesure où, justement, au VIe et au Ve siècle, ils dominaient la Toscane d'abord, mais aussi la Campanie et la plaine du Pô. Après être entrés dans une compétition maritime avec les Grecs, ils semblent prendre des assises en Italie, et non seulement en Italie, mais en Corse, puisqu'ils fondent une colonie importante, la Victorieuse. Oui, c'est certain. À la différence des Grecs, ils ont eu aussi une politique continentale. Seulement, cette hégémonie a été courte. Elle a cédé tout de suite devant les attaques conjuguées des Grecs, des Romains et aussi des tribus celtiques un peu plus tard qui ont dévalé du nord et qui ont menacé d'abord l'Étrurie et ensuite Rome. C'était Raymond Bloch, directeur d'études à l'école des hautes études. En 1958, ça vous fait réagir, ça, Jean-Paul Tuyet. Oh, souvenir. Ici, En effet, c'était mon directeur de thèse. Donc, Hommage. C'est intéressant d'entendre cette analyse, de dire que les Grecs sont restés sur les littoraux bien souvent dans leur principe de colonisation, tandis que les Étrusques, tout en voyageant sur les mers, s'installent à l'intérieur des terres. Oui, c'est peut-être un petit peu rapide de dire les choses comme ça, parce que d'abord le terme de colonie pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une colonie réellement ? En réalité, les Étrusques, en dehors de l'Étrurie, mais en Étrurie, en Italie, ils sont installés, si je puis dire, chez eux, et comme on le rappelait à l'instant, ils sont installés aussi dans l'Étrurie padane, avec Bologne, qui s'appelait Felsina en Étrusque, qui était une ville extrêmement importante, et puis au sud en Campanie, et autour de Capoue surtout. Et il faut rappeler au passage que Pompéi a eu une phase étrusque, ce qu'on ignore souvent, mais ce qu'il est important de rappeler. Mais par ailleurs, les Étrusques ont surtout eu des contacts commerciaux, je dirais, par exemple avec Carthage, dont on va reparler pour une raison très précise. Et par exemple, autour d'Aléria, dont on va aussi reparler, eh bien, y a pas, jusqu'à présent en tout cas, on n'a pas une connaissance de conquête territoriale relativement importante. Donc c'est un peu le même principe de ce point de vue que pour les Grecs. Federica Sacchetti, vraiment on a ici une idée de carrefour, on a une île, la Corse, mais sans domination très nette sur l'ensemble du territoire. Il va y avoir des points sur le littoral où vont s'installer, alors on parle des Étrusques, mais pas seulement les Étrusques. Oui, alors je voulais dire aussi par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, on ne peut pas vraiment parler d'une véritable colonisation des Étrusques, hein, c'est-à-dire que là où on les connaît, c'est dans leurs terres. Hein, donc en Italie, s'ils sont à l'intérieur des terres, c'était parce que, comme le disait justement M. Tuyet, ils sont chez eux. Donc c'est plutôt les Grecs, effectivement, qui se trouvent les longs des rivages en ce qui concerne la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire à partir des côtes de l'Italie du Sud, de la Sicile, et puis jusqu'à au sud de la France et en Espagne, parce qu'effectivement ils arrivent par cette migration, colonisation qui s'installe effectivement du côté des rivages. Donc la situation est très différente pour les Étrusques. Et en effet, pour ce que nous savons aujourd'hui, au-delà du territoire qu'ils ont occupé parce qu'ils y étaient natifs, c'est-à-dire la péninsule italique, du côté de la Toscane, celle que l'on appelle l'Étrurie tyrrhénienne, du côté de la Campanie, donc l'Étrurie campanienne, et du côté de la plaine du Pô, donc l'Étrurie padane, dans chaque qu'une desquelles il y avait d'ailleurs une de décapoles étrusques selon la tradition. Il y en avait une du côté d'Orvieto et de l'Étrurie tyrrhénienne, mais il y en avait une aussi en Étrurie padane et une en Étrurie campanienne, d'après les textes. Et donc, au-delà de ces territoires, effectivement, nous savons qu'ils ont été présents à Marseille et ils ont été présents à Latte. pour une période assez brève. Et effectivement, les lieux dans lesquels nous savons qu'ils se sont établis en dehors de leur territoire les plus longuement, c'est à Léria, donc au centre de la plaine orientale corse, où ils sont présents pour pendant au moins 200 ans. Et c'est ça, hein, c'est que ce sont des occupations sur des temps très longs avec des points de comparaison possibles. Il faut le rappeler, on le dit bien, les Étrusques en Italie ont laissé énormément de traces. Vous avez cité, Jean-Paul Tullier, ce site de Cerveteri. On n'est pas loin de Rome, c'est ça, c'est une grande nécropole. J'en parle maintenant, vous l'avez évoqué, parce que ça va servir de point de comparaison aussi avec ce que l'on va trouver ensuite en Corse. Oui, Cerveteri, enfin dans l'Antiquité, Caere, et Cerveteri en italien, ça veut dire l'ancienne Caere, justement. Et alors, il y a deux cités étrusques à propos de la Dodécapole dont on va être amené à parler, on les a déjà citées. Il y a Populonia au nord, et Cerveteri au sud. Et évidemment, pour compléter ce qui vient d'être dit à l'instant, il faut faire un petit peu de géopolitique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'occuper un territoire complètement, il s'agit de contrôler les trafics qui se déroulent dans une zone, dans tout ce bassin occidental de la Méditerranée, et c'est là que vont s'affronter trois puissances, celle des Étrusques, celle des Phocéens, et puis après, on verra, celle des Carthaginois. Oui, parce que on ne peut pas saisir l'un sans prendre en compte les autres. Tous ces gens-là se croisent sans arrêt sur les mers et dans les différents... Alors, je mets de côté le mot colonie, j'ai bien compris, parce qu'il est complexe, mais dans les différents comptoirs, on peut dire comme ça, enfin, en tout cas, lieu d'échange. Oui. Ils se croisent sans arrêt, tous ces gens-là. On échange quoi? Du vin, de l'huile? C'est-à-dire qu'ils ont parfois des alliances et parfois des oppositions. Et c'est précisément quand les Phocéens vont arriver et vont s'installer et vont faire régner un ordre qui ne plaît pas beaucoup à ceux qui étaient déjà là avant, c'est-à-dire aux Étrusques et aux Carthaginois, qui eux sont alliés depuis déjà un certain temps, c'est là que les choses vont se corser, si je puis dire. Bah si, vous avez raison de le dire, Jean-Paul Tullier. Laurent Vidal, on arrive à saisir la chronologie de l'histoire de la Corse avec, c'est bien complexe, hein, toujours dans l'Antiquité, ces espaces très réduits sur les côtes où l'on peut s'installer avec différents acteurs, on entend des Phocéens, des Carthaginois et des Étrusques. C'est un jeu de superposition d'espaces ou d'espaces qui sont séparés les uns des autres? Mais surtout, disons que la discipline archéologique ne permet pas de reconnaître et d'identifier les populations. S'agit-il de Phocéens, d'Étrusques ou de Carthaginois? Souvent, c'est l'archéologue, c'est le mobilier archéologique, c'est-à-dire la culture matérielle qui permet de recueillir des informations qui sont pas forcément non plus, typiques d'une civilisation. Et donc, pour Aléria, par exemple, aujourd'hui, on parle communément un petit peu, grâce à Federica, de la nécropole étrusque d'Aléria, mais même si Jean Géas en parlait à son époque, elle n'était pas restée dans l'historiographie comme une des principales nécropoles étrusques de la France. Avec cette idée de nécropole qui est très importante dans tout ce que l'on évoque, hein, sur la Corse antique, parce que toujours ce besoin de source, ce besoin de comprendre, la difficulté des fouilles sur des sites où plusieurs civilisations, cultures, espaces, amis se sont entrecroisés et parfois ennemis, manque plus qu'un périscope. Entre Cerveteri et Tarquinia, l'équipe du professeur Carlo De Lerici, grâce à ses méthodes de détection, se propose de détecter et de visiter des milliers de tombes jusqu'ici ignorées. Le professeur De Lerici a tout simplement imaginé d'utiliser, pour la recherche archéologique, le matériel de forage utilisé pour les recherches minières. Une perforeuse permet d'arriver au vide d'une chambre funèbre, un périscope prend sa place, et manipulé depuis la surface, permet une investigation visuelle suffisante pour juger de l'intérêt historique et artistique du tombeau. Grâce à cette méthode, pendant les 5 dernières années, le professeur De Lerici a inventorié 2500 tombes à chambre mortuaire, découvert 20 tombes à peinture et réuni plus de 6000 pièces artistiques. Muette depuis 2500 ans, la civilisation étrusque va-t-elle enfin parler ? Le journal des actualités françaises en 1961, tant par les méthodes de fouilles que par l'analyse qui est faite de la part du journaliste. Ouais, Jean-Paul Tullier, réaction ? Oui, non, c'est ce qui est intéressant avec les hypogées dont on parlait à l'instant à Cerveteri et à Tarquinia, c'est pour ce qui concerne Tarquinia surtout, le fait qu'on trouve à l'intérieur des peintures, des fresques. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que la grande peinture grecque correspondante, on l'a complètement perdue. C'est parce que c'est les Étrusques ont eu l'heureuse idée de décorer des hypogées creusées dans la roche de fresques qu'on a pu les conserver. Et du point de vue documentaire, c'est extrêmement intéressant. Je prends un seul exemple parce que c'est un petit peu d'actualité. En 1958, on a trouvé à Tarquinia une tombe qu'on a appelée la tombe des Olympiades parce que elle, en fait, en réalité, deux ans après, en 1960, il y avait les Jeux Olympiques modernes à Rome. Mais on a évidemment, on l'a appelé comme ça aussi parce que sur ces peintures, on voyait de nombreux athlètes et des courses de chars et que ça nous a donné des renseignements très importants sur cet aspect de la vie quotidienne des Étrusques. Federica Sacchetti, on parle beaucoup de ces nécropoles depuis tout à l'heure. Elles ressemblent à quoi? Ça s'organise comment avec ce mot hypogée utilisé au pluriel? Ça nous donne pas le genre, c'est un hypogée, c'est ça? Oui, on pourrait les appeler aussi tombe à chambre couloir. C'est ce type de tombe qu'on trouve monumentale, qu'on trouve en Étrurie tyrrhénienne, notamment, donc à Cerveteri comme à Tarquinia, et qui sont caractérisées par l'effet d'être des chambres hypogées, donc sous la terre, accessibles par des couloirs qui peuvent avoir des marches ou pas, ou être tout simplement en pente. Et ces chambres, c'est que nous appelons chambres funéraires, s'organise parfois dans les cas des Cerveteri notamment où vraiment l'art des constructeurs de ces tombes touche des niveaux imparables. Et ils peuvent en fait avoir l'aspect d'une maison de l'époque avec une organisation structurée par trois chambres funéraires précédées par un vestibule et parfois les mobiliers même de la maison qu'il faut imaginer être la maison des aristocrates et représenter. C'est complètement, ou alors comme effectivement c'était rappelé tout à l'heure, dans les cas des Tarquinia, on remplace les décors qui est réalisé par excavation et donc qui est en relief par un décor qui est peint et qui nous donne un témoignage exceptionnel pour l'époque de la grande peinture, comme nous l'appelons, pour la différencier de la peinture des vases, qui est complètement perdue pour le monde grec ou presque. Avec Laurent. Allez-y, Federica Sacchetti. Oui, je voulais juste indiquer qu'il y a une différence par rapport aux nécropoles qu'on retrouve en Corse, à cause de du substrat en fait, qui en Corse est très différent par rapport au substrat qu'on retrouve en Étrurie tyrrhénienne. En Étrurie tyrrhénienne, c'est de la roche, c'est du tuf, une roche qui est très facile à excaver quand elle est mouillée et qui après endurcit vraiment beaucoup, alors qu'en Corse, on est face à des marnes et qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques mécaniques, bien sûr. Et donc, les Étrusques qui se sont installés en Corse ont reproduit les sépultures qui étaient produites dans leur terre natale, mais en s'adaptant complètement au terrain naturel. Et oui, c'est ça qui fait cette particularité corse, c'est pas tant l'aspect même de ces sépultures, c'est la conservation. Laurent Vidal, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces sépultures? C'est très riche en matériel. Voilà, c'est des sépultures dans lesquelles les dépôts funéraires sont extrêmement importants et touchent tous les domaines de la vie sociale de la personne inhumée. Donc on y retrouve aussi bien des éléments de toilettes personnelles que de l'armement et que tout, on peut dire, l'attirail de vaisselle qui est utilisé au cours de la cérémonie funéraire et aussi bien ce que le défunt emportera dans son au-delà parce que, bon, Federica en parlerait mieux que moi, mais les Étrusques ont une sorte d'au-delà également vers laquelle la tombe est un passage, une porte. Federica Sacchetti, l'au-delà chez les Étrusques? Oui, alors nous le connaissons un peu pour ce qui était représenté justement dans la peinture funéraire. Et nous savons aussi que les Étrusques avaient une conception très, très structurée, très complexe de cet au-delà, puisque les textes latins nous informent de l'existence des libri acherontici, c'est-à-dire des livres chez les Étrusques rituels qui devaient donc renseigner surtout les rituels funéraires et renseigner probablement des croyants des Étrusques concernant l'au-delà. Ces livres sont perdus, n'ont pas été transcrits dans les temps et pour notre chance, la peinture funéraire de Tarquinia mais aussi d'Orvieto nous retranscrit certains aspects de cet au-delà. Effectivement, à la différence des Grecs pour lesquels la limite entre les mondes vivants et les mondes des morts était un élément aquatique, l'Acheron, le fleuve, pour les Étrusques, c'était plutôt représenté cet élément liminaire par une porte. Et ces mondes de l'au-delà étaient très riches, très imagés, avec des démons qui sont très bien représentés dans les tombes étrusques, mais aussi dans les stèles felsiniennes, c'est-à-dire dans les stèles de Bologne. Parfois vaut mieux un petit verre de liqueur de myrte plutôt qu'un verre d'au-delà. Creusons en Corse. C'est la première découverte là. Qu'est-ce que vous avez en face? Alors là, tu as une coupelle ici, vernis noir. Tu as une petite encore qui est écrasée par le poids de la terre là. Tu as une couille qui apparaît ici, tu as du fer ici encore, mais il faut attendre pour dégager, pour voir ce que c'est vraiment. Il y a beaucoup d'objets dans cette tombe. Oui, il y a pas mal de. Enfin, il semblerait qu'il y a pas mal d'objets. C'est ta figure rouge, c'est pas un profil. Non, c'est une très belle calice. Elle va rouge sur l'os. Vous la mettez comme ça. Non, comme elle est bien touchée. Tu prends le dessus seulement. Voilà. Le premier vase que vous apercevez là, le cratère, est un cratère au cygne. C'est un cratère à vernis noir garni de peinture rouge. C'est une espèce de cygne stylisé dessus. C'est de céramique d'Étrurie du Nord, de la ville de Volterra, qui est datable de 325 avant Jésus-Christ environ. En outre, il y a une épée, un poignard, et la forme de l'épée et la forme du poignard sont aussi exactement de cette date. Un Corse guerrier et riche qui pouvait s'offrir des céramiques venant d'Italie. D'ailleurs, tout le reste est à peu près de la même époque, du vernis noir sur pain et un certain nombre de coupes qui sont toutes étrusques, là, autant que j'ai pu voir. Les fouilles archéologiques d'Aléria, le journal télévisé régional. Nous étions en 1984 avec Jean et Laurence Géas. Jean-Paul Tullier, vous connaissez, bien sûr. Oui, j'ai un souvenir personnel qui n'est pas lié d'ailleurs à l'archéologie. C'est que Jean Géas était professeur de lettres classiques à Lyon, au lycée Ampère annexe Saxe, à l'époque où moi j'étais élève de troisième. Je ne l'ai pas eu directement parce qu'il y avait deux troisièmes dans ce lycée. On appelait ça un lycée à l'époque, mais évidemment, je l'ai bien connu. Et dans sa publication, dont on reparlera peut-être, sur la nécropole pré-romaine d'Aléria, les graphites étrusques, les inscriptions étrusques, ont été étudiées par Jacques Urgon, qui est le fondateur, en quelque sorte, tout à l'heure on voyait Raymond Bloch, mais Jacques Urgon est un peu le fondateur de l'étruscologie scientifique en France, en tout cas. Et si je suis devenu étruscologue, c'est grâce à lui. C'est en suivant son séminaire. Donc pour moi, c'est deux personnes qui me rappellent des souvenirs assez lointains, mais très marquants. En écho à ce que nous a dit Federica Sacchetti sur l'au-delà, la vision de l'au-delà par les Étrusques, il y a quand même des spécificités étrusques, notamment la langue. Alors la langue a longtemps été discutée. C'est ça aussi qui fait l'unité? C'est une manière de se concevoir étrusque plus ou moins, ou en tout cas d'avoir une langue commune? Oui, c'est sûr que la religion et la langue, c'est deux éléments importants pour l'unité. Si on prend la question de la langue, par exemple, c'est vrai, et en même temps, il est intéressant de constater qu'il y a des différences dans la façon d'écrire, dans les inscriptions, justement, dans la partie septentrionale de l'Étrurie et la partie méridionale. Donc là encore, les Étrusques ont gardé des spécificités particulières. Il n'y a pas une unité totale de toute l'Étrurie sur, finalement, aucun plan, peut-être plus sur le plan religieux, où j'ajouterai simplement à ce qui a été dit, c'est que c'est intéressant de voir que c'est quand même une religion du livre, une religion révélée. Ce qui est intéressant, parce que nous en connaissons plusieurs, naturellement, encore aujourd'hui, mais pour l'Antiquité, ce n'était pas toujours le cas. Laurent Vidal. Oui, je voudrais revenir sur l'extrait audio que vous nous avez passé. Donc c'est de la fouille peut-être de l'une des dernières tombes des travaux de Jean Géas et Laurence Géas. Et c'était assez, je pense, émouvant d'entendre Laurence Géas, qui est, disons, un peu la femme archéologue cachée derrière l'archéologue. Ouais, je vois bien ce que vous voulez dire. Bien souvent, et on le sait aujourd'hui encore, dans ce monde des fouilles archéologiques, toutes ces questions, enfin, dans le monde de la science en général, toutes ces questions de qui fait quoi et qui publie avec l'ouvrage sur les nécropoles pré-romaines, Jean Géas, mais Laurence Géas est là, et on l'entendait dans l'archive, elle est présente et elle arrive à décrypter ce qu'elle voit avec Laurent Vidal. Dans l'inventaire que l'on pourrait faire d'une tombe, il y a de tout, vous nous l'avez bien dit, et notamment ces vases. Et là, c'est toujours très émouvant, hein, ces vases venus de l'Antiquité, parce que c'est une lecture particulière au sens où, par l'iconographie, il peut y avoir une narration. Voilà, alors l'iconographie, mais ça c'est un peu moins... ça c'est plutôt le domaine des historiens de l'art. Là, aujourd'hui, les progrès de l'archéologie, et notamment grâce à l'archéologie préventive et au cadre législatif qui a été mis en place depuis les années 2000, on peut dépasser le cadre du dépôt d'objets à valeur artistique. Hein, on l'entendait un peu dans un des premiers extraits, les objets traités comme des objets d'art. Et on est en train de passer vers le contenu, puisqu'en fait, ces vases déposés dans les tombes ne sont pas déposés pour eux-mêmes, mais pour ce qu'ils contiennent, et en partie, effectivement, aussi pour les images qu'ils ont peintes sur leur surface, hein, puisque Federica, ça le dirait mieux que moi, certains vases ont des connotations funéraires, puisqu'ils retracent le passage du mort vers l'au-delà. Mais pour ce qui est de l'archéologie préventive, grâce au notamment pour la tombe que nous avons pu fouiller en 2018, le service régional de l'archéologie et l'État ont mis des moyens, on va dire, exceptionnels pour permettre de connaître mieux une tombe étrusque. Là, pour le coup, la quarantaine de vases déposés dans cette sépulture ont fait l'objet d'analyses biologiques poussées, de façon à déterminer quels étaient leurs contenants. Federica Sacchetti, il y a tous ces progrès de la science qui permettent de mieux comprendre ce monde, et on l'a bien dit, hein, sur ces fouilles de tombes, la qualification de dire, allez, c'est une sépulture pré-romaine, ne permet pas de saisir les subtilités. Aujourd'hui, on est vraiment dans une plus grande connaissance de cet univers de la Corse antique, avec ces différentes moments, périodes qui bien souvent d'ailleurs se chevauchent, hein, que ce soit les Phocéens ou les Étrusques. Oui, bien sûr. Et effectivement, pour compléter ce qui vient d'être dit par Laurent Vidal, donc je voudrais rappeler le fait que, en ce qui concerne la sépulture de la Magione qui a été fouillée, donc sous la direction de Laurent, il s'agissait d'une prescription d'archéologie préventive qui est intervenue grâce à mes collègues de l'État, du ministère de la Culture, qui travaillent donc à la DRAC de Corse et qui ont fait une prescription d'archéologie préventive, un cahier des charges très précis, qui demandait l'étude détaillée de cette sépulture et de tout son contenu, donc en termes bien sûr de restes anthropologiques, mais aussi en termes d'objets et des contenus des objets. On en avait parlé ensemble à l'époque d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à faire des études très très poussées de ces sépultures. Et pour revenir à ce qui a été dit, ce que vous avez évoqué tout à l'heure aussi, c'est-à-dire la présence des sans doute plusieurs populations et de la difficulté que nous avons en archéologie à les distinguer parfois. Et ben ça dépend du fait qu'en fait dans un même contexte, même un contexte clos comme celui d'une tombe, on peut avoir des objets qui viennent d'endroits très disparates, en fait, et ça grâce au commerce, aux contacts commerciaux qui avaient lieu au sein de la Méditerranée et qui font qu'un même contexte, un même dépôt funéraire est composé d'objets qui peuvent avoir des provenances différentes. Donc ce n'est pas la provenance de l'objet qui nous renseigne sur l'identité culturelle du défunt ou alors d'une nécropole entière, mais c'est plutôt l'assemblage de ces objets et l'étude que nous en faisons du rituel funéraire qui est mis en place par des comparaisons qui sont faites avec d'autres contextes. Donc Laurent évoquait tout à l'heure la richesse effectivement de ces sépultures à Aléria qui compte des dizaines voire des centaines de vases parfois. Alors ça, ce n'est pas exceptionnel au contexte étrusque de la Corse. Ça, c'est le propre, en fait, de la civilisation étrusque et de ses contextes funéraires. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, on retrouve un fil conducteur, un fil rouge dans toutes ces nécropoles, de la plaine du Po jusqu'à la Campanie et jusqu'à Aléria et à la Corse, avec des spécificités régionales, effectivement, qui sont propres au développement de la civilisation étrusque dans ces lieux-là, ou alors, dans les cas de la Corse, très probablement au contact avec les populations indigènes. Federica Sacchetti, j'en profite pour développer cette question. Ce que l'on trouve dans ces tombes en Corse, notamment à Aléria, ce sont des objets importés, d'autres fabriqués sur place. Il est possible pour l'archéologue de saisir un peu les provenances ? Oui, il y a beaucoup d'objets importés pour la première période, donc pour les 5e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit surtout d'objets importés des Grèces, notamment de la région attique, en ce qui concerne les céramiques, et d'objets en bronze importés d'Étrurie. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise aussi les autres nécropoles, non seulement la nécropole d'Aléria, donc les autres nécropoles étrusques. Donc on est dans une phase historique, culturelle, où les vases grecs étaient très prisés, étaient commercialisés, échangés, et faisaient l'unanimité dans le monde étrusque. Alors qu'effectivement, les services en bronze étaient plutôt des productions étrusques. Après, selon les phases chronologique. Donc, par exemple, au 4e siècle, il y a un changement qui est lié aux changements historiques qui ont lieu au sein de la Méditerranée, bien sûr. Changement qui fait que vers le milieu du 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est plutôt des productions étrusques qui sont importées dans les sépultures corses, même en ce qui concerne les céramiques. On a écouté Laurence Jass, justement, qui décrivait la fouille d'une des dernières sépultures et décrivait justement la présence d'un cratère de production étrusque. Ça bouge beaucoup en Méditerranée. Mais voici que l'île s'ouvre à l'histoire, la grande, l'officielle. C'est le temps où la Méditerranée est partagée en deux par une double pénétration. Au sud, les Phéniciens, partis de Tyr et de Sidon, qui courent prendre position aux colonnes d'Hercule, le futur Gibraltar, et essaiment leur comptoir sur les côtes d'Afrique. Au nord, les Grecs, et entre ces Grecs, les Phocéens, chassés d'Asie mineure. Ils vont créer Marseille, ils créent Alalia, Aléria, en 564 avant notre ère. Le port installé sur l'étang de Diane prend de l'importance, au point que ces navires osent s'attaquer à la puissance carthaginoise. Le combat a lieu en 535. Et c'est une victoire d'Alalia. Mais victoire à quel prix? La ville nouvelle en est à peu près ruinée. Ben ça ne sert à rien de remporter une victoire si on est ruiné après. C'était FR3 en 1976. Jean-Paul Tullier, dans cette description géopolitique de la Méditerranée antique, il y a des tensions évidentes, et on l'entend, des batailles aussi. Au-delà de tout ce que nous évoquons par l'archéologie, y a-t-il d'autres narration de ces événements? Moi, je pense à des écrits de l'Antiquité. Oui, mais là c'est très important, parce que là on a vraiment affaire à un événement mondial avec des datations. Ce mondial, évidemment, toute chose toutes choses égales d'ailleurs. Mais c'est pour l'Antiquité, c'est vraiment un événement très important parce que non, il est présenté non seulement par Hérodote, c'est notre source principale, mais aussi par d'autres auteurs. C'est-à-dire que là, manifestement, ça a beaucoup marqué les esprits parce qu'il y avait ces trois puissances qui étaient là en rivalité. Les Étrusques et les Carthaginois ont des relations amies depuis très longtemps. À Carthage, par exemple, dans les nécropoles de Carthage, puisqu'on parle de ce sujet, on trouve beaucoup de vases étrusques, et en particulier au 7e, fin 7e, début 6e, de ce qu'on appelle le bouquero, c'est-à-dire cette céramique complètement noire, qui est la céramique nationale des Étrusques, en quelque sorte. Des auteurs comme Aristote ou le pseudo-Aristote parlent de cette amitié étrusco-carthaginoise comme assez exceptionnel et presque comme si ça pouvait être un seul état d'une certaine façon. Et donc là, quand il voit arriver les Phocéens qui ont donc fondé Marseille avant, il y a une deuxième vague de Phocéens qui se produit et ceux-ci sont accusés de surcroît de pratiquer la piraterie. Alors, la piraterie, c'est un vaste sujet parce que dans l'Antiquité, on est toujours le pirate de l'autre et c'est surtout une rivalité commerciale qui se cache derrière et le fait que celui qui remporte des succès, les Étrusques ont souvent été considérés comme des pirates parce que précisément, ils remportaient beaucoup de succès commerciaux et autres en Méditerranée. Mais en tout cas, cette présence phocéenne a vraiment indisposé l'alliance étrusco-carthaginoise qui voyait les possessions en Sardaigne et en Étrurie, ou les possessions, en tout cas la présence, compromise. Et donc là, il y a cette fameuse bataille qui se termine par une victoire à la Cadméenne, dit Hérodote, des phocéens, ce qui veut dire une victoire à la Pyrrhus. Et en réalité, les Phocéens perdent tous leurs navires, leurs 60 navires, d'une façon ou d'une autre, et sont obligés de quitter leur installation de Corse pour partir vers Vélia, qu'on connaît aussi sous le nom d'Élée, au sud de Paestum. Et c'est à ce moment-là que les Étrusques en profitent pour s'installer sur ce site d'Aléria et avoir cette colonie, entre guillemets, dont nous parlons déjà depuis un certain temps. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes toujours avant Jésus-Christ. 6e siècle avant Jésus-Christ. Dites-nous, Laurent Vidal, comment voit-on en tant qu'archéologue ces changements politiques? C'est intéressant toujours d'avoir une datation précise. En l'occurrence ici, c'est une bataille. L'archéologie arrive à nuancer ces ruptures? Disons que l'archéologie permet difficilement de retracer ce genre d'événements ponctuels. Puisqu'en fait, nous, ce qu'on observe, c'est des phénomènes plutôt sur la longue durée. Par exemple, pour la nécropole de la Majone, on s'aperçoit qu'on est passé sous la, entre guillemets, domination romaine, quand dans les sépultures, on retrouve des monnaies datant des années 150 avant Jésus-Christ. Et donc, le mobilier céramique lui-même étant toujours de la céramique campanienne. Voilà. Donc c'est des choses qu'il est plutôt difficile, même la présence grecque d'Alalia, pour l'instant, me semble-t-il, il n'y a aucune trace qu'on peut rattacher vraiment à cette occupation. Ce qu'on voit, c'est les traces de l'occupation étrusque à travers, comme disait Federica, le mobilier céramique, hein, c'est-à-dire les amphores étrusques, la céramique commune étrusque, et aussi, ce qui me semble pour moi le marqueur le plus évident pour la Corse, c'est la présence de tuiles, donc d'éléments liés à l'architecture des maisons. Et ce sont deux éléments qui nous permettront, je pense, de discriminer les occupations étrusques à l'avenir, mais sans pouvoir donner un rythme aussi précis que les chronologies ou que les fastes romains. Après la victoire des Phocéens, qui en réalité est une défaite, pourquoi ne pas aller jeter un œil là où ils vont s'installer, à Vélia? Federica Sacchetti, comment peut-on les suivre, ces Phocéens, ou alors ces Étrusques, comme on veut, dans l'autre sens? En tout cas, pour les Phocéens, dans un premier temps, on peut voir des traces de ces batailles. En effet, Hérodote, dans son premier livre des histoires, nous dit carrément que à la fin de la bataille de la Lya, les 20 navires, en fait, d'après Hérodote, une quarantaine de navires faussins auraient été complètement détruits et les autres 20, les 20 restants, auraient eu les éperons détruits, donc ils étaient inutilisables. Et les occupants de ces 20 navires qui se sont sauvés en fait de cette bataille auraient récupéré en fait leur famille à partir de la Corse et ils se sont établis donc à Veglia. Et ces derniers temps, ces dernières années, il y a eu des découvertes effectivement à Veglia qui ont fait parler d'un lien avec cette bataille, puisqu'il y a des bronzes qui ont été déposés et qui semblent venir de cet événement. Et si on va effectivement dans l'autre sens, il paraît, d'après ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur la base de la documentation archéologique, mais d'après ce qu'ils nous disent aussi d'autres textes autres qu'Hérodote, hein, parce qu'on parle toujours d'Hérodote à cause, bien sûr, de sa célébrité et de son autorité, mais il y a eu d'autres auteurs du monde ancien qui nous ont parlé de la présence étrusque plutôt que de la présence grecque en Corse, comme Lycophron, Diodore de Sicile, Strabon, Servius. Donc je vous cite des sources qui commencent avec Hérodote au 5e siècle avant, qui arrivent jusqu'au 4e siècle après avec Servius, nous parlent toutes ces sources effectivement de la présence étrusque à la mer tyrrhénienne, donc de la domination étrusque, celle qu'on appelle la thalassocratie, et il n'y a pas de doute sur le fait qu'effectivement, à partir au moins de la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, ce sont les Étrusques qui sont installés au centre de la plaine orientale corse. En revanche, comme il a été rappelé tout à l'heure, pour nous c'est un peu plus compliqué effectivement de relier un événement historique très ponctuel à des faits archéologiques, ce que nous appelons l'effet archéologique, et nous sommes encore en attente en fait d'avoir des données un peu plus précises. Et ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Les Étrusques sûrement sont installés en Corse suite à cette bataille, mais en ce qui concerne la présence grecque en Corse, nous n'avons pratiquement aucune trace pour les moments. Et je voudrais rappeler également que bien que Alalia ait été identifiée avec Aleria depuis toujours, les textes d'Hérodote ne situent pas la colonie d'Alalia. Il nous dit que Alalia est fondée par les Faussins en 565 avant Jésus-Christ en Corse, Kyrnos en grec, et quand on pense à la localisation de la bataille, il s'agit de la bataille que Hérodote appelle de la mer sardonienne, donc on est plutôt du côté sud de l'île que du côté de la plaine orientale. Eh oui, parce que c'est ça aussi la Corse, hein, c'est jouer sur la géographie de l'île Laurent Vidal. Il y a le nord, le sud, l'intérieur, le littoral. Est-ce qu'une géographie de la Corse arrive à se dessiner sur la présence des Étrusques? On le voit bien, hein, ils sont plutôt sur la côte est, c'est le cas d'Alalia, Aleria. Est-ce qu'il y a d'autres sites comme ça dans les petits points qu'on met sur une carte avec les différents sites de fouilles? Pour l'instant, très peu. Récemment, peut-être un point sur la côte ouest, dans le golfe d'Ajaccio, des éléments, voilà. Mais là, de la même façon que le mobilier archéologique étrusque ne fait pas d'étrusque les gens qui l'utilisent, il faudra attendre, je pense, la continuation des recherches archéologiques, la pression immobilière en Corse permettant le développement de l'archéologie préventive. Je pense que à terme nous aurons de plus en plus d'informations sur la géographie de la colonisation étrusque. Là, déjà, il y a, depuis cette année, on sait que dans la plaine d'Aléria, donc ce petit morceau de plaine littorale qui est marqué par une série d'étangs, on a une occupation étrusque qui a été fouillée par mon collègue Brice Chauveau cette année à l'autre extrémité de la plaine, donc à une trentaine de kilomètres d'Aléria. Jean-Paul Thuillier. Oui, dans l'affaire de la bataille de la mer Sarde, comme on le rappelait à l'instant, c'est pas toute l'Étrurie qui est en jeu, c'était essentiellement quelques cités et surtout la cité de Caere, l'actuelle Cerveteri. Il y a une autre cité qui joue un rôle dans les relations entre l'Étrurie et la Corse, un rôle important, c'est Populonia, plus au nord, face à l'île d'Elbe. Et Populonia, comme par hasard, c'est la seule cité étrusque qui ait été fondée au bord de la mer. Hein, les cités étrusques, comme d'ailleurs un certain nombre de cités dans le monde méditerranéen, sont souvent fondées près de la mer, mais pas au bord de la mer, à cause des pirates en particulier, et des influences délétères qui peuvent venir de l'extérieur. Et à propos de... Alors, Populonia est lié à l'île d'Elbe, juste en face, et est lié au fer de l'île d'Elbe. Il faudrait aussi développer tout cet aspect. C'est, si l'Étrurie est devenue la puissance qu'elle est devenue, c'est à cause en particulier de ses richesses minières. Et l'île d'Elbe était une véritable mine de fer. On ne l'imagine plus aujourd'hui, mais une mine de fer qui attirait les convoitises de tous les Grecs depuis la Grèce elle-même, depuis bien longtemps. Et Populonia a eu des contacts avec les Étrusques, avec les Corses à plusieurs reprises, en particulier avec le Cap Corse, sans doute, où il y a des éléments de comparaison. Et dans le mobilier archéologique qu'on évoquait à l'instant, il y a beaucoup de rapprochements qu'on peut faire entre ce qu'on trouve en Corse, à Aléria, et ce qu'on trouve à Populonia. Et je voudrais simplement signaler deux faits à ce sujet. C'est que certains textes nous disent que Populonia a été fondée par des Corses, la ville étrusque de Populonia aurait été fondée par des Corses, ou bien par des habitants de Volterra qui l'auraient arrachée aux Corses. Donc on voit quand même, bon, il s'agit de faits qu'on peut discuter naturellement, mais en tout cas, dans les sources littéraires, c'était évoqué. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même trouvé, on n'a pas beaucoup parlé de la langue jusqu'à présent, mais on a trouvé un graphite à Populonia, sur un vase, qu'on lit Coursiquet. Coursiquet, c'est un ethnique, ça veut dire le Corse. C'est-à-dire que c'était un personnage ou bien qui venait de Corse, ou bien peut-être un habitant de Populonia qui avait été s'installer en Corse à un moment donné, qui était revenu et qu'on avait appelé le Corse, hein, comme ça se fait souvent à propos des gens qui voyage. Federica Sacchetti, à quel moment peut-on dire que la présence étrusque en Corse disparaît? En fait, c'est la même chronologie que ce qui se passe en Italie avec la montée de la puissance romaine. Oui. Alors, en Italie, c'est encore plus compliqué parce qu'en fait, certaines régions plus, les régions les plus extrêmes, donc les nord, les Torres Padanes et de l'autre côté, les Torres Campaniennes, c'est plutôt d'autres populations qui arrivent avant les Romains. Donc, c'est les Samnites en Campanie et en Torres Padanes, c'est les Celtes, qui arrivent donc de l'autre côté des Alpes et qui envahissent au début du 4e siècle avant Jésus-Christ la plaine du Pô et qui descendent ensuite jusqu'à Rome. Donc, ces populations-là, dans ces territoire arrive encore avant les Romains. C'est les Romains, effectivement, qui mettent fin à la puissance étrusque dans la partie centrale de l'Étrurie, donc en Toscane et dans le nord du Latium, et aussi en Corse. C'est dans le cadre de la première guerre punique, donc guerre qui se joue entre 264 et 241 avant Jésus-Christ, et plus précisément c'est en 259 avant Jésus-Christ que la Corse est attaquée par les Romains, et qui est à l'aérien notamment, est détruite par les consuls Lucius Cornelius Scipio. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la Corse rentre progressivement dans la sphère d'influence romaine. Nous savons qu'en 227 avant Jésus-Christ, existe une province corsica et sardine, donc des Corses et des Sardaignes, avec un siège qui se trouve plutôt du côté des Caralis, donc Cagliari en Sardaigne. Et nous savons ensuite qu'en 81 avant Jésus-Christ, une colonie de vétérans est fondée à Aleria. Donc disons que la romanisation de la Corse s'est faite entre 259 avant Jésus-Christ et 81 avant Jésus-Christ, où on peut considérer qu'effectivement la Corse est complètement rentrée dans la sphère d'influence romaine. Et d'ailleurs, quelques années auparavant, en 93, c'est la colonie romaine des Mariannes, plus au nord, qui est fondée également sur la côte orientale de l'île. Phocéenne, étrusque et romaine. Oui. Avant les Romains, on aurait pu citer une quatrième puissance qui intervient et qui justement va affaiblir les Étrusques avant l'intervention romaine, ce sont les Syracusains. La puissance qui monte en Méditerranée à partir de 474 précisément, parce que là il y a une bataille qui voit la flotte étrusque être battue par les Syracusains, et les Syracusains conduire des raids importants jusqu'à l'île d'Elbe et jusqu'en Corse. Et à ce moment-là, déjà, la présence étrusque est tout à fait amoindrie. J'aimerais tant voir Syracuse et j'aimerais tant voir cette histoire de la Corse, mais elle est formidable. Merci vivement à tous les trois, Jean-Paul Tullier, Laurent Vidal et Federica Sacchetti, de nous avoir présenté cette Corse étrusque, mais pas seulement étrusque, et surtout de nous avoir fait comprendre qu'il faudra faire une émission d'ici quelques temps, selon l'avancée des fouilles, car la recherche ne s'arrête jamais. Merci vivement à tous les trois. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les manuels scolaires ont-ils fabriqué notre roman national ? On sait le rôle essentiel qu'ont joué les manuels scolaires au début de la Troisième République dans la construction de la mémoire nationale. Parmi les exemples les plus connus, on peut citer « Le tour de la France par deux enfants » publié en 1877 par Augustine Fouillé-Tuileries, l'épouse du philosophe Alfred Fouillé. La diffusion de ce manuel de lecture courante avait déjà dépassé les 7 millions d'exemplaires en 1914. Ce fut l'un des ouvrages pédagogiques qui contribua le plus efficacement à la formation géographique, scientifique et civique de la jeunesse de France. Mais notre mémoire nationale fut surtout fabriquée et diffusée grâce aux ouvrages destinés aux élèves des écoles primaires, concoctés par l'historien Ernest Lavis, professeur à la Sorbonne. Sur la couverture de la première édition, publiée en 1884, était inscrite cette sentence morale qui valait tous les programmes. « Enfant, tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. » Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ces manuels contribuèrent à former de multiples générations de professeurs, d'instituteurs et d'élèves, leur inculquant les valeurs civiques de la République tout en légitimant les conquêtes coloniales vues comme un devoir civilisateur. Les études portant sur les images illustrant ces manuels, leurs légendes et les textes qui encadraient les leçons montrent le rôle essentiel que jouait l'exaltation d'un héroïsme focalisé sur la Révolution française. L'exemple le plus souvent repris est celui de la mort du petit Barat, auquel les écoliers étaient censés s'identifier. Ce jeune garçon de l'armée républicaine, tué le 7 décembre 1793 à l'âge de 14 ans par des Vendéens, fut érigé en héros et en martyr de la Révolution par Robespierre, avant de devenir le symbole du combat républicain dans les manuels d'histoire. L'exploitation des émotions du jeune public fut mise au service d'une rhétorique dont le schéma reposait sur quelques énoncés qu'on peut résumer ainsi. Le principal but de l'histoire de France est de faire connaître l'âme du peuple français à travers les siècles. Il faut apprendre l'histoire parce qu'elle nous enseigne tout ce que nos ancêtres ont fait pour rendre notre condition meilleure. La vision progressiste de cette conception de l'histoire apparaît dans l'opposition dynamique qui était établie entre le passé et le présent. Autrefois, il n'y avait pas de chemin de fer, pas de gaz, pas d'électricité, pas de bateau à vapeur. Mais aujourd'hui, grâce à la République, nous vivons à l'ère du progrès et de l'instruction. Les manuels de la Troisième République reflètent le contexte social et politique dans lequel a été fondée l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire. Ils furent des instruments au service du combat que le pouvoir républicain menait alors sur deux fronts. D'un côté, il fallait dénoncer les valeurs conservatrices défendues par les partisans de la monarchie et du cléricalisme, mais d'un autre côté, ces manuels avaient aussi pour fonction d'invalider l'idéal révolutionnaire que la Commune de Paris avait célébré et concrétisé en 1871 avant d'être écrasé par le pouvoir républicain. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Sébastien Royer. Merci aux équipes de France Bleu Hérault et France Bleu Provence. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Anne Toscane Dudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwenn Guizou. Émission à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.